Bienvenue sur Yisr Media, une plateforme ouverte à toutes et à tous à Compiègne et partout en France. Ici, nous proposons une information claire, accessible et proche de la vie réelle. Yisr Media, c'est un pont entre les cultures, les langues et les expériences. Notre devise est simple, la vérité avant le scoop. Le lancement de la plateforme est prévu entre septembre et décembre 2026. Merci d'être avec nous.